changement d'ambiance. N'imposez pas. What's up, guys? Can you hear me? Entre deux, c'est le moment que je préfère. Walking on a life if there's nothing left to say? Up in this life, yeah, am I living right? Was it all worth the fight? I'm overloaded, ideas within my eyes, and I can spare the time. I'm population unique. Un moment unique. Donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays. Où les âmes sont têtues. Comme beaucoup de musiciens.